Chapitre 10. Tu dois comprendre, dit-elle avec un peu plus de calme, car puisqu'il lui permettait de parler, elle espérait bien le convaincre. Que depuis 4 jours, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour amener Madame d'Amauville à l'idée d'appeler en consultation avec Monsieur Baljazet un médecin. Qui serait moi? Toi ou un autre, je n'ai prononcé aucun nom. Tu ne dois pas me croire assez maladroite pour aller grossièrement te mettre en avant. Ce n'eût pas été un bon moyen pour te faire accepter par une femme intelligente. Et j'ai assez souci de ta dignité pour ne pas jouer avec elle. Je croyais qu'un autre médecin que M. Balzaget trouverait un remède, un moyen quelconque, un miracle si tu veux, qui permettrait à Madame d'Amauville de se rendre au palais de justice. Et je le disais. Je le disais sur tous les tons, de toutes les manières, avec autant de persuasion que j'en pouvais mettre dans mes paroles. N'était-ce pas la vie de mon frère que je défendais? Notre honneur? Tout d'abord, je trouvais Madame d'Amauville très opposée à cette idée. Un autre médecin? À quoi bon? Monsieur Balzaget l'avait bien soignée, puisqu'il avait pu lui faire quitter le lit. Il est vrai qu'elle avait dû le reprendre, mais c'était là un accident qu'on ne pouvait lui imputer sans injustice. Combien de raisons expliquaient cet accident? Sa longue maladie, sa faiblesse, les mauvaises conditions d'un temps dur. Elle irait mieux bientôt, elle le sentait. D'ailleurs, dut-elle se faire porter au palais de justice, qu'elle n'hésiterait pas. Elle ferait cela? Assurément, personne n'a plus qu'elle le sentiment du juste. Elle se trouverait coupable de ne pas apporter son témoignage à un innocent. Ne pas le sauver quand elle le peut, serait prendre la responsabilité de sa perte. Il est donc certain que si elle ne peut pas venir à l'audience toute seule, elle fera tout pour y venir n'importe comment, au bras de M. Balzaget, sur une civière. J'étais donc assez tranquille de ce côté, mais je ne l'étais pas pour la civière. Que penserait-on si on la voyait en cet état? Quelle impression ferait sur les jurés cette malade? Sa maladie laisserait-elle à son témoignage toute sa valeur? Cela me fit insister. Je crois t'avoir dit que Mme d'Amauville me témoigne maintenant une sympathie affectueuse qui chaque jour va s'augmentant. Elle me fait rester près d'elle plus longtemps, elle m'écoute avec bienveillance. Enfin, elle me témoigne une véritable amitié, comme si je la connaissais depuis longtemps et avais pu lui rendre service. J'ai mis cette bienveillance à profit pour revenir sur la question de la consultation. Mais je te le répète, sans prononcer ton nom et sans jamais te mettre en avant. Que cela soit bien entendu, et je t'en prie, crois-moi quand je te l'affirme. Je lui représentais que puisque M. Baljazet pouvait se dire, avec toutes les apparences de la raison, qu'il l'avait guérie, il ne devait pas se fâcher qu'elle désirât chercher à consolider cette guérison, que d'ailleurs elle avait des motifs impérieux qui l'obligeaient à ne pas attendre, car il lui en coûterait beaucoup de se présenter à la cour d'assises dans un appareil théâtral qui n'était pas du tout dans son caractère et dans ses habitudes. Il ne m'avait pas fallu grande finesse pour deviner que le souci de peiner ce vieil ami de son mari, qu'elle est trop intelligente pour ne pas connaître, était l'empêchement principal qui s'opposait à cette consultation. Ce fut alors que ton nom fut prononcé. Tu l'avoues donc? Tu vas voir comment, et tu diras si tu dois t'en fâcher. Je n'ai pas passé tant de temps auprès de Madame d'Amauville sans lui parler de maman, et par conséquent, sans lui dire comment tu l'as guérie d'une paralysie qui, par plus d'un point, ressemblait à la sienne. Il n'était pas mal, n'est-ce pas, de dire ce que tu avais fait pour nous, et sans rien laisser soupçonner de mon amour, je pouvais bien sans doute faire ton éloge que dictait la seule reconnaissance. Tu connais trop les malades pour ne pas deviner que Madame d'Amauville elle-même m'avait, la première, interrogé bien des fois sur ces points de ressemblance entre sa paralysie et celle de maman, sur le traitement que tu avais ordonné, sur les effets qu'il avait produits. Et naturellement, comme toujours, quand je parle de toi, quand j'ai la joie de prononcer ton nom, je lui avais répondu longuement, en détail. Ce n'est pas un crime, cela. Elle attendit un moment en le regardant. Sans adoucir la dureté de son regard, il lui fit signe de continuer. Quand j'assistai pour la consultation, Madame d'Amauville se rappela ce que je lui avais dit. Et la première, tu entends la première, elle prononça ton nom. Je n'avais pas de raison, il me semble, pour m'enfermer dans une réserve qui eût été inexplicable et incompréhensible. Je racontai donc tout ce que pouvait dire une femme d'un homme dans ta position. Puisque tu avais soigné et guéri ma mère, j'avais bien le droit de faire ton éloge. Avec une nature comme la sienne, elle n'eût pas compris que je ne le fisse point, et certainement elle eût cru à l'ingratitude de ma part. Je citais ton travail sur les maladies de la moelle, et cela encore était tout naturel, puisque c'est d'une maladie de la moelle que ma mère a été guérie. Il m'était permis, si ignorante que je fusse sans médecine, de l'avoir lu et étudié avant la guérison. Comme elle manifestait le désir de le connaître, j'offris de le lui prêter. Est-ce naturel, cela ? Avec une autre que Madame d'Amauville, non, sans doute, mais elle n'est point un esprit frivole. Ses lectures sont sérieuses. Elle sait beaucoup. Enfin, je crus pouvoir le lui prêter sans faire mal et sans encourir ton blâme. Je le lui apportai il y a 2 jours, et tout à l'heure, elle m'a dit que sa lecture l'avait décidée à t'appeler. Je n'irai certes pas, elle a son médecin. Ne va pas imaginer que je suis chargée de te demander de lui faire visite. Tout est entendu avec M. Balzagette, qui doit écrire ou te voir, je ne sais au juste. Ce serait bien extraordinaire de la part de Balzagette. Peut-être le juges-tu mal. Quand Mme d'Amauville lui a parlé de toi, il n'a pas soulevé la plus petite objection. Au contraire, il a fait ton éloge. Il dit que tu es un des rares jeunes en qui on peut avoir confiance. Ce sont ses propres paroles que Mme d'Amauville m'a rapportées. Que m'importe le jugement de cette vieille bête ? Je t'explique comment tu es appelée en consultation, non parce que j'ai parlé de toi, mais parce que tu inspires confiance à M. Balzagette. Si bête qu'il soit, il te rend justice, et c'est ce que tu vaux. Il était donc arrivé le moment de cette rencontre, qu'il n'avait pas voulu croire possible tout d'abord, et qui, cependant, se présentait dans de telles conditions qu'il ne voyait pas comment l'éviter. Refuser Phyllis, il le pouvait. Mais Balzagette, comment ? Sous quel prétexte ? Un collègue l'appelait en consultation. Pourquoi ne s'y rendrait-il pas ? Il eut prévu ce coup, qu'il aurait quitté Paris jusqu'au moment du procès. Mais il était pris à l'improviste. Que dire pour justifier une absence qu'il n'avait pas annoncée ? Il n'avait pas de mère, de frère, qui pussent l'appeler et auprès desquels il fut obligé de rester. D'ailleurs, il voulait aller à l'audience, et puisque son témoignage devait peser d'un poids considérable sur la conviction des jurés, c'était son devoir de l'apporter à Florentin. C'eût été une lâcheté méprisable de manquer à ce devoir, et de plus, c'eût été une imprudence. Aux yeux de tous, il devait paraître n'avoir rien à craindre, et cette assurance, cette confiance en soi, était une des conditions de son salut. Or, s'il venait à l'audience et à tous les points de vue, il était impossible qu'il n'y vînt pas, il s'y rencontrerait avec Madame d'Amauville, puisqu'elle voulait s'y faire porter au cas où elle ne pourrait pas s'y rendre librement. Soit chez elle, soit au palais de justice, la rencontre était donc fatale, et quoi qu'il eût fait, les circonstances plus fortes que sa volonté l'avaient préparé et amené. Tout ce qu'il tenterait ne l'empêcherait pas. La seule question qui mérita d'être à cette heure sérieusement pesée était celle de savoir où cette rencontre serait moins dangereuse pour lui. Chez Madame d'Amauville ou au palais ? Tout le reste était au-dessus de lui et échappait à sa volonté. Il réfléchissait ainsi, silencieusement, sans plus s'occuper de Phyllis que si elle n'était pas près de lui. Ne la regardant pas, les yeux perdus dans le vague, le front contracté, les lèvres serrées, quand la sonnette de l'entrée résonna. Comme Joseph était à son poste, sa nièce ne bougea pas. « Si c'est un malade, dit Phyllis, qui ne voulait pas partir déjà, j'attendrai dans la salle à manger. » Et elle se leva. Avant qu'elle fût sortie, Joseph entra. « Monsieur le docteur Balzagette, dit-il. « Tu vois, s'écria Phyllis. » Sans lui répondre, sa nièce fit signe à Joseph d'introduire le docteur Balzagette. Et tandis qu'elle disparaissait légèrement, sans bruit, il se dirigea vers le salon. Balzagette vint à lui, les deux mains tendues. « Et bonjour, mon jeune confrère, enchanté de vous rencontrer. » L'accueil était bienveillant, amical et aussi protecteur. Sa nièce y répondit de son mieux. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, continua Balzagette, j'ai pensé à vous. À cela rien que de naturel, car vous m'inspirez une vive sympathie, et ce n'est pas d'aujourd'hui. La première fois que vous êtes venu me faire visite, vous m'avez tout de suite plu. Je vous ai deviné et je me suis dit, voilà un grand garçon qui fera son chemin. Vous souvenez-vous ? Assurément, il se souvenait, et de toutes les visites qu'il avait faites à ce moment aux médecins et aux pharmaciens de son quartier, celle à Balzagette avait été la plus dure. Il était impossible de montrer plus de morgue, plus de hauteur, plus de dédain que ce solennel n'en avait mis dans son accueil. Mais alors le jeune confrère était perdu dans la foule des pauvres diables, et vraisemblablement il y resterait. Tandis que maintenant qu'il en était sorti, on ne savait pas où il irait. « Je vous disais que j'avais pensé à vous, » continua Balzagette. « C'est à propos de cette cliente dont vous m'avez parlé, vous savez. »« Madame d'Amauville ?»« Précisément. Je l'ai remise sur pied comme j'en étais sûre et comme je vous l'avais annoncé. Mais depuis, cette mauvaise température lui a fait reprendre le lit. Ce n'est qu'une affaire de jour, sans aucun doute. Seulement, en attendant, la pauvre femme s'irrite, s'impatiente. Vous savez, jeunes confrères, les femmes. Enfin, que vous dirais-je ? Pour calmer cette impatience, je lui ai spontanément proposé une consultation. Et naturellement, j'ai prononcé votre nom, qui était indiqué par votre beau travail sur les lésions médulaires. Je l'ai appuyé comme il convenait, avec l'estime qu'il s'est acquise, et j'ai eu la satisfaction de le voir accepté. Saniel remercia, comme s'il croyait à la parfaite sincérité de cette proposition spontanée. J'aime les jeunes, et tiens à vous dire que toutes les fois que l'occasion s'en présentera, je serai heureux de vous introduire dans ma clientèle. Pour Madame d'Amauville, quel jour voulez-vous que nous prenions ? Comme Saniel paraissait hésitant, Balzagette, se méprenant sur la cause de son silence, insista. « C'est une impatiente, » dit-il. « Prenons donc le jour le plus rapproché qu'il sera possible. » Il fallait répondre, et dans ces conditions, un refus n'était pas explicable. « Voulez-vous demain ? » dit-il. « Demain, c'est entendu. Votre heure ?» Avant de répondre, Saniel alla à son bureau et consulta un almanach, ce qui parut parfaitement ridicule à Balzagette. Est-ce qu'il s'imagine, le jeune confrère, que je vais croire que son temps est si étroitement pris qu'il lui faut des combinaisons pour me donner une heure ? Mais ce n'était point une combinaison de ce genre que Saniel cherchait. Posé devant cette vieille baderne, l'éblouir, il avait bien la tête à cela. Son almanach donnait le lever et le coucher du soleil, et c'était l'heure précise de ce coucher qu'il voulait. 26 mars, 6h20. À ce moment, il ne ferait pas encore assez nuit pour que les lampes fussent allumées chez Madame d'Amauville. Et déjà, cependant, le jour serait assez sombre pour que dans l'incertitude du soir, elle le vît mal. « Voulez-vous 6h15 ? Je passerai vous prendre à 6h. »« Volontiers. Seulement, je vous demanderai d'être très exact. J'ai un dîner pour 7h, rue Royale. » Et Saniel promit l'exactitude. Ce dîner était une circonstance favorable qui lui promettait de sortir de chez Madame d'Amauville avant qu'on apportât les lampes. Quand Balzagette fut partie, il alla rejoindre Phyllis dans la salle à manger où elle attendait anxieuse. « Rendez-vous est pris pour demain, à 6h15 chez Madame d'Amauville. » Elle se jeta à son cou. « Je savais bien que tu me pardonnerais. » Chapitre 11. Ce ne fut pas sans émotion que le lendemain Saniel vit s'écouler l'après-midi, et bien qu'il se fût mis au travail pour employer son temps, à chaque instant il s'interrompait pour regarder l'heure. Parfois il trouvait qu'elle passait vite, puis tout à coup qu'elle ne marchait pas. Cette agitation l'exaspérait, car le calme n'avait jamais été plus nécessaire que dans cette circonstance. Qu'un danger se présenta, et ce n'était qu'en restant maître de soi qu'il pouvait se sauver. Il lui fallait le sang-froid du chirurgien dans une opération, le coup d'œil du général dans une bataille, et le sang-froid, pas plus que le coup d'œil, ne se trouve chez les nerveuses et les agités. Surgirait-il, ce danger ? C'était la question qui revenait sans cesse, qui s'imposait, quoi qu'il fît pour l'écarter, et le jetait dans ce trouble d'autant plus énervant qu'il se rendait parfaitement compte de l'inanité d'un pareil examen. À quoi bon étudier les chances qu'il y avait pour ou contre ? Tout cela était en l'air, aux mains du hasard, et par conséquent en dehors de sa volonté. Où il avait réussi à se rendre méconnaissable, où il n'y était pas parvenu, c'était un fait auquel maintenant il ne pouvait rien. Ce qui était humainement possible dans cet ordre d'idées, il l'avait prévu en choisissant une heure où l'obscurité du soir mettait les chances de son côté. Pour le reste, il fallait s'en rapporter à la fortune. En allant à sa cheminée, il restait devant la glace, comparant son visage à la photographie que Madame Cormier lui avait remise, et muscle après muscle, il s'étudiait. Ah, s'il n'avait pas eu ses yeux bleus pâles, ses yeux d'acier, il se fût senti plus tranquille. Mais dans l'obscurité, Madame d'Amauville verrait-elle son regard ? toute la journée il avait étudié le ciel, car pour le succès de sa combinaison, il importait qu'il ne fût ni trop clair, ni trop sombre. Trop clair parce que Madame d'Amauville pourrait le bien dévisager, trop sombre parce qu'on allumerait les lampes. Il devait se souvenir que c'était précisément sous la lumière d'une lampe qu'elle l'avait vu. Jusqu'au soir, le temps fut incertain, avec un ciel tantôt ensoleillé, tantôt nuageux. Mais à ce moment, les nuages furent emportés par un vent du nord, et le temps se mit décidément au froid, avec la clarté rose et pâle de la fin mars quand il gèle encore. En s'examinant bien, il eut la satisfaction de constater qu'il était plus calme qu'au matin, et qu'à mesure que le moment de l'assaut s'était rapproché, son agitation s'apaisait. La décision, la fermeté, le sang-froid lui étaient revenus. Il se sentait maître de sa volonté, et capable de n'obéir qu'à elle. À 6 heures précises, il sonnait à la porte de Balzagette, et tout de suite il partait pour la rue Sainte-Anne. Heureux d'avoir un auditeur aux oreilles complaisantes, Balzagette faisait tous les frais de l'entretien, sans que sa nièce eût à répondre de temps en temps autre chose que oui ou non. Et bien entendu, ce n'était pas de Madame d'Amauville qu'il parlait, mais d'histoire mondaine. De la première représentation de la veille à l'Opéra Comique, à laquelle il avait assisté, de politique, du prochain salon où l'on verrait plusieurs tableaux importants pour lesquels les peintres lui avaient demandé son jugement, certains à l'avance que ce serait celui de l'opinion publique. À 6h15 juste, ils arrivaient à la maison de la rue Sainte-Anne où sa nièce n'était pas revenue depuis la mort de Caffier. En passant devant la loge de la vieille concierge qui salua respectueusement Balzagette, il fut content de lui. Son cœur ne battait pas trop vite, ses idées étaient fermes et nettes, tout au moment présent, ni en deçà ni au-delà. Si un danger se présentait, il se sentait assuré de lui faire tête, sans affolement comme sans brutalité. Au coup de sonnette tiré de main de maître par Balzagette, la porte fut ouverte aussitôt par une femme de chambre, postée évidemment dans le vestibule pour attendre leur arrivée. Balzagette passa le premier et sa nièce le suivit, en donnant un rapide coup d'œil aux pièces qu'il traversait. Une salle à manger, meublée d'acajou, et un salon en tapisserie à la main, de couleur fanée. Ils étaient arrivés à une porte à laquelle Balzagette frappa 2 coups. « Entrez !» répondit une voix de femme au timbre ferme. C'était le moment décisif. Le jour était à souhait, ni trop vif, ni trop obscur. Qu'allait dire le premier coup d'œil de Madame d'Amauville ? Mon confrère, le docteur Saniel, annonça Balzagette en allant à Madame d'Amauville pour lui serrer la main. Elle était étendue sur le petit lit dont avait parlé Phyllis, mais non contre les fenêtres, plutôt au milieu de la chambre, placée là évidemment d'après l'expérience d'une malade qui sait qu'on devra tourner autour d'elle pour l'examiner. Profitant de cette disposition, sa nièce passa tout de suite entre le lit et les fenêtres, de façon que le jour le frappa de dos et laissa par conséquent son visage dans l'ombre. Cela se fit naturellement, sans aucune affectation, et il sembla qu'il n'avait pris ce côté du lit que parce que Balzagette avait pris l'autre. L'examen commença, dirigé par sa nièce, avec une netteté et une précision qui firent plaisir à Balzagette. Il ne se perdait pas dans des paroles oiseuses, le jeune confrère, pas plus que dans des détails inutiles. Il allait droit au but, ne demandant, ne cherchant que l'indispensable, et comme les réponses de Madame d'Amauville étaient aussi précises que les questions de sa nièce, tout en écoutant et en plaçant un mot bref de temps en temps, il se disait que son dîner ne serait pas retardé, ce qui était le point principal de sa préoccupation. Décidément, il comprenait la vie, le jeune confrère. On pourrait l'appeler en consultation. C'était un garçon à protéger, à lancer. Avec sa tournure lourde, son allure brutale, sa tenue négligée, on n'aurait pas de rivalité à craindre. Avant qu'il eût pris les manières et la correction d'un homme du monde, s'il les prenait jamais, il s'écoulerait du temps. Cependant, quand Madame d'Amauville en vint à se plaindre du froid qu'elle éprouvait, Balzagette trouva que sa nièce la laissait se perdre dans des détails un peu minutieux. « Vous avez toujours été frileuse ?»« Oui, et avec une fâcheuse disposition à m'enrhumer pour un abaissement de température d'un ou 2 degrés. »« Faisiez-vous de l'exercice en plein air ?»« Très peu. »« On ne vous a jamais conseillé les infusions d'eau froide ?»« Je ne les aurais pas supportées. » »« Il faut vous dire, interrompit Balzagette, qu'avant d'habiter cette maison, cette vieille maison qui lui appartient, Madame d'Amauville occupait un appartement plus moderne où elle était chauffée au calorifère et où, par conséquent, il lui était facile de maintenir une température douce et uniforme à laquelle elle s'était habituée. En venant m'installer dans cette maison où il n'était pas possible d'établir un calorifère, continua Madame d'Amauville, j'ai employé tous les moyens pour me mettre à l'abri du froid, qui, j'en suis certaine, est mon grand ennemi. Vous pouvez voir que j'ai fait poser de doubles bourrelets aux portes comme aux fenêtres. Malgré cette invitation et le geste qui l'accompagnait, sa nièce se garda bien de tourner la tête du côté de la fenêtre. Il maintint son visage dans l'ombre, se contentant de regarder la porte qui lui faisait face. En même temps, continua Madame d'Amauville, j'ai appliqué des tentures sur les murs, des tapis sur le parquet, des péridos aux fenêtres, des portières aux portes, et malgré les grands feux que j'entretiens dans ma cheminée, bien souvent je n'arrive pas à me réchauffer. « Est-ce que vous allumez aussi ce poêle ?» demanda Saniel en montrant un petit poêle mobile placé au coin de la cheminée. « La nuit seulement, afin que mes domestiques n'aient pas à se relever d'heure en heure pour entretenir le feu de la cheminée. On le charge le soir avant que je m'endorme, on place le tuyau dans la cheminée, et jusqu'au matin, il maintient une chaleur à peu près suffisante. » J'estime qu'il conviendra de supprimer ce mode de chauffage qui peut avoir de graves inconvénients, dit Saniel. Et mon confrère et moi, nous examinerons tout à l'heure la question de savoir s'il ne serait pas possible de vous donner la chaleur qu'il vous faut, rien qu'avec cette seule cheminée, sans fatiguer vos domestiques et sans vous réveiller trop souvent pour charger le feu. Mais continuons. Quand il fut arrivé au bout de ses questions, il se leva pour examiner la malade sur son lit, mais sans tourner autour d'elle, et de façon à rester à contre-jour. Comme peu à peu la réverbération du soleil couchant resté au ciel s'était affaiblie, Balzagette proposa de demander des lampes. Sans mettre trop de hâte dans sa réponse, Saniel refusa. Inutile, le jour suffisait. Ils passèrent dans le salon, où ils se mirent d'autant plus vite d'accord qu'à tout ce que Saniel disait, Balzagette répondait. « Je suis heureux de constater que vous partagez ma manière de voir. C'est cela, c'est bien cela. » Tous deux, d'ailleurs, avaient leur raison pour se hâter. Saniel, la peur des lampes, Balzagette, le souci de son dîner. Diagnostic, traitement à suivre, tout fut rapidement arrêté. Saniel proposait, Balzagette approuvait. C'est cela, c'est bien cela. La question de la suppression du poêle mobile fut de même décidée en deux mots. Pour la nuit, on installerait une grille dans la cheminée, on l'emplirait de charbon de terre, qu'on couvrirait de poussière mouillée. Et avec ce système, employé dans beaucoup de petites gares de chemin de fer, on aurait du feu jusqu'au matin. « Rentrons, » dit Balzagette, qui avait de l'initiative et de la décision pour toutes les choses matérielles. Saniel, qui avait tenu ses yeux sur les fenêtres, était tranquille. Il faisait encore assez jour pour qu'on n'eût pas besoin de lampe. D'ailleurs, pendant leur tête-à-tête, aucune domestique n'avait traversé le salon pour entrer chez Madame d'Amauville. Mais lorsque Balzagette ouvrit la porte de la chambre pour revenir auprès de la malade, un flot de lumière emplit le salon et les enveloppa. Une lampe à abat-jour était posée sur une petite table auprès du lit. Deux autres lampes, avec des globes, étaient allumées sur la cheminée, reflétant leur lumière dans la glace. Comment n'avait-il pas prévu qu'il y avait, pour entrer dans la chambre de Madame d'Amauville, d'autres portes que celles du salon? Mais quand il l'aurait prévu, quand il aurait aperçu cette porte cachée par la tenture, cela n'eût atténué en rien le danger de sa situation. Il eut trouvé le temps de se préparer, voilà tout. Mais à quoi se préparer? Ou entrer dans la chambre et faire tête à ce danger, ou se sauver? Il entra. « Voici ce que nous avons décidé, » dit Balzagette, qui ne perdait jamais une occasion de se mettre en avant et de prendre la parole. Pendant qu'il parlait, Madame d'Amauville ne paraissait pas l'écouter. Elle avait attaché ses yeux sur Saniel, placé entre elle et la cheminée de manière à tourner le dos aux lampes, et elle le regardait avec une fixité caractéristique. Balzagette, qui s'écoutait parler, ne remarquait rien. Mais Saniel, qui savait ce qu'il y avait derrière ce regard, ne pouvait pas n'en pas être frappé. Heureusement pour lui, il n'avait qu'à laisser aller Balzagette, ce qui lui permettait de ne pas se trahir par le frémissement de la voix. Cependant, Balzagette semblait près d'arriver au bout de ses explications. Tout à coup, Saniel vit Madame d'Amauville étendre la main vers la lampe posée sur la table et soulever l'abat-jour en la baissant vers elle, de façon à former un réflecteur qui projeta la lumière sur lui. En même temps, il recevait un rayon lumineux en plein visage. Madame d'Amauville poussa un petit cri étouffé. Balzagette s'arrêta, puis ses yeux étonnés allèrent de Madame d'Amauville à Saniel et de Saniel à Madame d'Amauville. « Vous n'êtes pas souffrante ? » dit-il. « Pas du tout. » « Que se passait-il donc ? » Mais il était rare qu'il demandât l'explication d'une chose qui le surprenait, aimant mieux la deviner et l'expliquer lui-même. « Ah, j'y suis !» dit-il avec un sourire satisfait. « La jeunesse de mon jeune confrère vous étonne. C'est sa faute. Pourquoi diable a-t-il fait couper ses longs cheveux et sa barbe fauve frisée ?» Si Madame d'Amauville n'avait pas lâché l'abat-jour, elle aurait vu le visage de Saniel se décolorer et ses lèvres frémir. « Mais voilà !» continua Balzagette. « Il a fait ce sacrifice à ses nouvelles fonctions. L'étudiant a disparu devant le professeur. » Il eût pu continuer longtemps. Ni Madame d'Amauville, ni Saniel ne l'écoutaient. Mais pensant à son dîner, il n'allait pas se lancer dans un discours qu'à tout autre moment, il n'eût pas manqué de placer. Il se leva pour se retirer. Comme Saniel saluait, Madame d'Amauville l'arrêta d'un mouvement de main. « Ne connaissiez-vous pas ce malheureux qui a été assassiné en face ? » dit-elle en montrant ses fenêtres. Si grave que fût un aveu, Saniel ne pouvait pas répondre par une négation. « J'ai été appelé pour constater sa mort, » dit-il. Et il fit quelques pas vers la porte. Mais elle le retint encore. « Étiez-vous en relation avec lui ? » demanda-t-elle. « Je l'avais vu quelquefois. » Balzagette coupa court à cette conversation oiseuse pour lui. « Bonsoir, chère madame. Je vous reverrai demain, mais pas le matin, car je pars à 6 heures pour la campagne et ne reviendrai qu'à midi. » Chapitre 12. Avez-vous remarqué comme je lui ai coupé la parole ? Dit Balzagette dans l'escalier. Si on écoutait les femmes, elles ne vous laisseraient jamais partir. Du diable, si je devine pourquoi elle vous a parlé de cet homme assassiné. Et vous, vous en doutez-vous ? Non. Je crois que cet assassinat lui a, jusqu'à un certain point, détraqué la cervelle. En tout cas, il lui a fait prendre cette maison en horreur. Il continua ainsi sans que Saniel écoutât ce qu'il disait. En arrivant à la rue Neuve des Petits Champs, Balzagette héla une voiture qui passait, vide. « Vous avez eu la gentillesse de ne pas me mettre en retard, » dit-il en serrant la main de son jeune confrère. « Cependant, je vois que je serais obligé de marcher vite pour arriver à mon dîner. » Et je n'aime pas à m'asseoir à une bonne table sans me sentir en possession de tous mes moyens. Au revoir. » Quel débarras ! Ce bavardage donnait le vertige à Saniel. Il fallait se remettre, se reconnaître, envisager la situation et ce qui pouvait, ce qui devait en advenir. Elle était simple, cette situation. Le cri de Madame d'Amauville l'avait révélée. Lorsque la lumière de la lampe l'avait frappée en plein visage, elle avait retrouvé en lui l'homme qu'elle avait vu tirer les rideaux de Cafier. Si, dans sa stupéfaction, elle s'était d'abord refusée à le croire, ses questions à propos de Cafier et les explications de Balzagette sur les longs cheveux et la barbe frisée du jeune confrère avaient anéanti ses hésitations et remplacé le doute par l'horreur de la certitude. L'assassin, c'était lui, elle le savait, elle avait vu. Et telle qu'elle venait de se révéler à lui, il ne semblait pas qu'elle fût femme à récuser le témoignage de ses yeux et à laisser ébranler par de simples dénégations la solidité de ses souvenirs appuyés sur les paroles de Balzagette. Tout cela était d'une clarté aveuglante qui montrait jusqu'au fond l'abîme ouvert devant lui. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était de quelle façon elle allait le pousser dans ce gouffre vertigineux, c'est-à-dire à qui elle révélerait la découverte qu'elle venait de faire. À Phyllis ? À Balzagette ? À la justice ? Ce lui fut presque un soulagement de penser que pour ce soir au moins, ce ne pourrait pas être à Phyllis, puisqu'en ce moment même elle devait être chez lui, attendant son retour anxieusement. Il y avait en lui une douleur et une révolte à la pensée que la première, elle pouvait apprendre la vérité. Il ne voulait pas que cela fût, et il l'empêcherait. Cette préoccupation lui donna un but. Il revint rue Louis-le-Grand, pensant plus à Phyllis qu'à lui-même. Quel désastre quand elle saurait tout! Comment supporterait-elle ce coup et quels sentiments lui inspirerait-il? quel jugement sur celui qu'elle aimait! La pauvre fille! Il s'attendrit sur elle. Lui, il était perdu, et c'était sa faute. Il portait la peine de sa maladresse. Mais elle, ce serait la peine de son amour qu'elle porterait. Quelle blessure pour ce cœur si sensible, pour cette âme haute et fière! Peut-être allait-il la voir pour la dernière fois. Cette heure, et plus rien. Alors il voulut qu'elle fût douce pour elle, et lui laissa un souvenir qui plus tard fut un allègement à sa douleur, un rayon clair et chaud dans son deuil. Il avait été dur en ces derniers temps, fantasque, brutal, inexplicable, et avec cette sérénité d'humeur qui était sa nature même, elle ne lui en avait pas voulu. Quand il la bousculait de sa main lourde, elle avait baisé cette main, en attachant sur lui ses beaux yeux tendres, tout pleins de caresses passionnées. Il fallait qu'elle oubliât cela, et que de leur dernière entrevue, elle emportât une impression attendrie qui la soutiendrait. Que ferait-il bien pour elle? Il se rappela combien elle avait été heureuse de leurs dîners improvisés au coin du feu 6 mois auparavant, et il voulut lui donner ce même plaisir. Il la verrait heureuse encore, et près d'elle, sous son regard, peut-être oublierait-il le lendemain. Il entra chez le restaurateur qui lui fournissait ses déjeuners et commanda 2 dîners qu'on apporterait chez lui immédiatement. Il n'eut pas à mettre la clé dans sa serrure. Phyllis était derrière la porte, écoutant. Quand elle reconnut son pas sur le palier, elle ouvrit. « Eh bien, ton frère est sauvé. Madame d'Amauville ira à l'audience. Je te promets qu'il est sauvé. Par toi ? Oui, par moi, précisément. » Dans son trouble de joie, elle ne remarqua pas l'accent de ses derniers mots. « Alors, tu me pardonnes ?» Il la prit dans ses bras et l'embrassant avec une émotion grave. « De tout mon cœur, je te jure. Tu vois bien qu'il était écrit que tu irais chez Madame d'Amauville malgré toi, malgré tout. C'était providentiel. Il est certain que ton ami la Providence ne pouvait pas intervenir plus à propos dans mes affaires. » Cette fois, elle ne put pas ne pas être frappée du ton qu'il avait mis dans sa réponse, mais elle s'imagina que c'était uniquement cette allusion à une intervention supérieure qui l'avait contrariée. « C'était à nous que je pensais, dit-elle, non à toi. J'ai bien compris, mais ne parlons pas de cela. Tu es heureuse, et je ne veux pas assombrir ta joie. Au contraire, j'ai pensé à m'y associer en te faisant une surprise. Nous allons dîner ensemble. » « Oh, cher !» s'écria-t-elle frissonnante, « que tu es gentille !» Mais tout de suite, s'arrêtant, « Et maman qui attend dans l'inquiétude, je ne peux pas la laisser se dévorer. Écris-lui la bonne nouvelle, en lui disant que tu es retenue par moi, par Nougared, le premier prétexte venu. Je donnerai ta lettre au garçon de Colliot qui va nous monter notre dîner, et il l'enverra par un commissionnaire. » La lettre fut vite faite. « Maintenant, dit Phyllis joyeusement, je vais mettre la table. Toi, allume le feu, car il nous faut une belle flambée qui pétille dans la cheminée, nous égaie et tienne notre dîner chaud. Qu'est-ce que tu as commandé ? Je ne sais pas, 2 dîners. Tant mieux, nous aurons des surprises. Nous laisserons les plats couverts devant le feu et nous les prendrons au hasard. Peut-être mangerons-nous le rôti avant l'entrée, mais ce ne sera que plus drôle. » Légère, vive, affairée, elle allait et venait autour de la table, gracieuse et charmante. Quand le garçon sonna, le couvert était mis. Phyllis lui donna sa lettre et le renvoya au plus vite, car elle avait hâte d'être en tête à tête avec sa nièce. Alors ils s'assirent à table, devant le feu, en face l'un de l'autre. « Quel bonheur d'être seul, dit-elle, de pouvoir se parler, se regarder librement. » C'était avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue dans ses yeux qu'il la regardait, une profondeur de contemplation émue qui la bouleversait et l'anéantissait. De temps en temps, de petits cris de bonheur lui échappaient. « Oh, cher, cher !» murmurait-elle. Cependant, elle le connaissait trop bien pour ne pas voir que souvent un nuage de tristesse voilait ses yeux tout pleins d'amour, et que souvent, aussi, ils étaient sans aucune expression, comme s'ils regardaient en dedans. Tout d'abord, elle ne dit rien, mais à la longue, elle ne put pas toujours imposer silence à l'inquiétude. Pourquoi cette mélancolie en un pareil moment ? « Quelle différence entre ce dîner, dit-elle, et ceux de la fin d'octobre. À ce moment, tu étais écrasé par les difficultés les plus dures, en lutte avec les créanciers, menacé de tous les côtés, sans lendemain. Et maintenant, tout est aplani. Plus de créanciers, plus de lutte, les ennuis que je t'imposais ont pris fin, la vie s'ouvre, facile et glorieuse, le but que tu poursuivais est atteint, tu n'as plus qu'à marcher droit devant toi, fier et superbe. Et pourtant il y a dans ta physionomie une tristesse qui me tourmente. Qu'as-tu ? Parle, je t'en prie. À qui te confesseras-tu si ce n'est à celle qui t'adore ? Il la regarda longuement sans répondre, se demandant si pour le repos de son cœur, cette confession ne vaudrait pas mieux que le silence. Mais le courage lui manqua, l'orgueil ferma ses lèvres. « Que veux-tu que j'aie ? » dit-il. « Si ma physionomie est chagrine, c'est qu'elle ne traduit pas fidèlement ce que je ressens. Car ce que je ressens en ce moment, c'est un ineffable sentiment de tendresse pour toi, une inexprimable reconnaissance pour ton amour et pour le bonheur que tu m'as donné. Si j'ai été heureux dans ma vie rude et chaotée, ça a été par toi. Ce que j'ai eu de bon, joie, confiance, espoir, souvenir, c'est à toi que je l'ai dû. Et si nous ne nous étions pas rencontrés, j'aurais le droit de dire que j'ai été le plus misérable des malheureux. Quoi qu'il arrive de nous, garde ces paroles, ma mignonne, et descends-les au plus profond de ton cœur, où tu les retrouveras un jour quand tu voudras me juger. Te juger, moi ? Tu m'aimes, tu ne me connais pas, mais il viendra une heure où tu voudras justement connaître celui que tu as aimé. Alors souviens-toi de cette soirée. Elle est trop radieuse pour que je l'oublie. Quelle qu'elle soit, rappelle-la toi. Ces choses si fragiles et si éphémères que la vie, qu'il est beau de pouvoir la concentrer, la résumer par le souvenir, dans une heure qui la marque et lui donne sa portée. Cette heure, c'est celle qui s'écoule en ce moment où je te parle avec cette sincérité émue. Phyllis n'était point habitué à ces élans, car dans les rares épanchements auxquels il s'était parfois abandonné, Saniel avait toujours observé une certaine réserve, comme s'il craignait de se livrer et de laisser lire au fond de sa nature. Que de fois l'avait-il raillée lorsqu'elle sentimentalisait, comme il disait, et chantait sa romance, et voilà que lui-même la chantait, cette romance d'amour. Si grand que fût son bonheur à l'écouter, elle ne pouvait pas se défendre cependant d'un étonnement inquiet et de se demander sous quelle impression mélancolique il se trouvait en ce moment. Il savait trop bien lire en elle pour ne pas deviner cette inquiétude. Alors, ne voulant pas se trahir, il amena un sourire dans ses yeux. « Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ? » dit-il. « Et je suis sûr que tu te demandes si je ne suis pas malade. « Oh, cher, ne raille point et ne te raidis pas contre le sentiment qui met une si douce musique sur tes lèvres. Heureuse, si heureuse de t'entendre parler ainsi, que je voudrais voir ton bonheur égal au mien, dissiper le nuage assombri dont ton regard est voilé. Ne t'abandonneras-tu jamais ? À cette heure surtout où tout chante et rit en nous comme autour de nous. Que tu fusses chagrin il y a 6 mois, rien n'était plus légitime. C'était désespéré que tu aurais pu être en face du lendemain. Mais aujourd'hui, que te manque-t-il pour être heureux ? Rien, c'est vrai. Ce présent n'est-il pas le matin radieux d'un avenir superbe ? Que veux-tu ? Il y a des physionomies chagrines, comme il y en a d'heureuses. La mienne n'est pas la tienne. Mais ne parlons plus de cela, ni du passé, ni d'avenir. Soyons au présent. Il se leva et la prenant dans ses bras, il la fit asseoir près de lui sur le divan. Le tintement de la sonnette de l'entrée fit sursauter Saniel comme s'il avait reçu une forte commotion électrique. « Tu ne vas pas ouvrir, » dit Phyllis, « qu'on ne nous prenne pas notre soirée. » Mais bientôt une nouvelle sonnerie, plus ferme, le mit sur ses jambes. « Le mieux est de savoir, » dit-il, et il alla ouvrir la porte, laissant Phyllis dans son cabinet. Une femme de chambre lui tendit une lettre. « De la part de Madame d'Amauville, » lui dit-elle. Il y a une réponse. Il la laissa dans le vestibule, éclairé par la porte ouverte sur le palier, et rentra dans son cabinet pour lire la lettre. Le rêve n'avait pas duré longtemps. La réalité le ressaisissait de ses mains impitoyables. Cette lettre, à coup sûr, allait annoncer le coup qui le menaçait. « Si monsieur le docteur Saniel est libre, je le prie de venir me voir ce soir pour affaires urgentes. Je l'attendrai jusqu'à 10 heures. Sinon, je compte sur lui demain matin à partir de 9 heures. À d'Amauville. » Il revint dans le vestibule. « Dites à Madame d'Amauville que je serai près d'elle dans un quart d'heure. » Quand il rentra dans son cabinet, il trouva Phyllis debout devant la glace, occupée à mettre son chapeau. « J'ai entendu, » dit-elle. « Quel chagrin ! Mais je ne peux pas t'en vouloir, puisque c'est pour Florentin que tu me quittes. » Comme elle se dirigeait vers la porte, il l'arrêta. « Embrasse-moi donc une fois encore. » Jamais il ne l'avait serrée d'une étreinte aussi longue, aussi passionnée.